La nuit de la destinée, épisode de voyage en Syrie, par Lydie Pashkov. Voici le Liban, me dit un jeune Alépin auquel pouvait parfaitement s'appliquer le proverbe arabe « Abéchelébi, Alépin, petit maître élégant ». Et j'aperçus les contours encore vagues de pics neigeux dans un ciel d'un coloris vert jaunâtre indescriptiblement lumineux. Je montai sur la passerelle du capitaine monténégrin commandant la Bérénice, vapeur du Lloyd autrichien, sur lequel je m'étais embarqué à Scio, et j'aperçus la chaîne du Liban qui s'étageait en masse majestueuse, laissant la presqu'île sur laquelle est située Beyrouth devant elle, pour reprendre le rivage méditerranéen du côté de Saïda, l'antique Sidon. Le Saanin, la plus haute montagne du Liban, resplendissait sous une couche de neige éblouissante qui laissait à découvert sur les déclivités les plus abruptes la teinte rosée des roches. Le mont Betmeri, maison de Marie, qui surplombe la plage du côté de Beyrouth, formait, grâce à la forêt de pins parasols qui le couvre, une large tache dont le ton vert est sombre et presque noir rendait plus éclatante encore la nuance rouge sang des sables ferrugineux particuliers à ses rivages, sur lesquels éclate, de toute son aveuglante blancheur, Beyrouth, la belle cité syrienne. La mer, d'un bleu profondément intense, roulait devant nous ces innombrables vagues dont les crêtes diamantées se succédaient à perte de vue. « Que c'est beau !» dit l'Alépin. « Je vous assure, madame, qu'il n'existe nulle part au monde des montagnes qui puissent se comparer à celles du Liban. Si vous saviez quel air vivifiant on y respire, et quels torrents laiteux y bondissent de roche en roche. » Cette description rafraîchissante me surprenait sur un bateau tout en fer, chauffé par le soleil à l'extérieur et par des fourneaux à l'intérieur. J'éprouvais une irrésistible envie de respirer cette air, de goûter de cette eau, et de m'enfoncer dans les gorges humides de la montagne. « J'irai voir cela, » me dis-je, « et dès demain. » « Me permettez-vous, » dit l'Alépin, « de vous offrir l'hospitalité chez mes parents ? Nous possédons une maison à Bekfaya, près de Betmeri. » Et il me montra dans la montagne un point imperceptible que seul un Libanais pouvait reconnaître de si loin. « J'accepte volontiers, » répondis-je. Bientôt le bateau s'arrêta, et nous nous trouvâmes, stationnant dans la ravissante baie de Beyrouth, dont les tours génoises et les maisons orientales s'élevaient en gradins autour de nous. Le drogman Timoléon vint me prendre pour me conduire dans son hôtel de Bellevue, tandis que de son côté, l'Alépin était emmené par plusieurs de ses amis, venus pour le recevoir, et qui, avec la prolixité habituelle aux Beyrouthiens et aux Damasquins, l'accablaient de questions sur ses impressions de voyage à Stamboul. Cependant, il eut le temps de me rappeler encore une fois sa promesse. Le lendemain, je me mis en route, suivi de Timoléon et de mes domestiques arabes. Nous traversâmes la quarantaine et nous longeâmes la mer dans la direction de la chaîne du Liban. Une multitude de fleurs de lys blanche s'épanouissaient dans le sable, des buissons de fleurs jaunes odoriférantes, des cassis et des azalées bordaient les plantations de mûriers et des bestiaux baignant leurs pieds dans les flots humaient l'air salin. Nous arrivâmes à la rivière Antelias. Après avoir pris un moment de repos près d'un couvent de maronites, nous nous mîmes à graver la montagne El Jebel El Adea. Un sentier de chèvres, étroit, escarpé et glissant, serpentait sur la crête des rochers. L'adresse vraiment admirable des chevaux arabes de montagne peut seule rendre accessible aux voyageurs des hauteurs aussi abruptes. Les marches d'escalier, irrégulières, les pierres roulantes, les cailloux pointus, rien ne les faisait broncher. Au fur et à mesure que nous montions, l'air devenait plus vif et l'herbe plus fleurie. Nous rencontrions parfois un jeune pâtre demi-nu, d'allure aussi vive et aussi sauvage que celle des chèvres qu'il gardait. Il nous examinait d'un œil défiant et farouche, puis se sauvait avec son troupeau en escaladant la montagne voisine. Un cavalier druze, sombre et impassible, passait avec sa longue lance sur l'épaule sans se retourner, dédaignant de nous jeter un regard de curiosité. Plus loin, un marchand beyrouthien, gros et gras, abrité sous un immense parasol, trottinait, monté sur une petite jument marchant l'amble. Puis de nouveau, nous nous retrouvions dans une solitude et un silence, dont le cri de quelque oiseau ou le bruit d'un torrent interrompait seul la solennité. Vers le soir, la nature prit pendant un moment un aspect vraiment féerique. Les rochers les plus proches s'empourprèrent de reflets flamboyants. Les montagnes lointaines devinrent roses, avec des ombres bleues outre-mer. La verdure se colora d'une teinte métallique orange, cuivrée et vert émeraude. Aucune des descriptions ne peut donner une idée des tons particuliers à ce pays, dont l'atmosphère emprunte sa transparence à l'éclat d'un soleil toujours radieux. Je me retournai vers Beyrouth. La ville avait disparu, dérobée par une mer de nuages qui s'épaississait en ondes opaques et irisées. Un désir fou me prit de me lancer sur ces vapeurs et de voguer dessus. Le soleil, dont le globe énorme et d'un rouge sang se montrait encore au-dessus des brouillards, plongea subitement dans ces vagues étranges, ne laissant au-dessus de lui que son spectre plus pâle, mais encore écarlate et nettement marqué. Peu après, le spectre s'effaça. Quelques rayons rouges traversant les vapeurs montèrent tout droit dans l'empyrée verdâtre et d'une teinte très pâle. Puis, tout s'éteignit. Le ciel passa au bleu sombre, les nuages devinrent blafards, les montagnes n'apparurent plus dans le lointain que comme une masse confuse, et Vénus, la plus belle étoile du firmament, scintilla en jetant sa lueur douce sur les vapeurs toujours immobiles. Je me retournai avec un profond soupir de regret, celui qu'on exhale involontairement après avoir contemplé un spectacle qu'on doute de revoir jamais. Soudain surgit devant moi un cavalier superbe. Il était enveloppé d'une abaïa, dont les reflets soyeux et argentés brillaient aux dernières lueurs du crépuscule. Sa figure allongée et cachée en partie sous une courte barbe noire ressortait pâle et triste sur les draperies de sa coiffure. Sa jument blanche se tenait immobile sur la pointe extrême du roc. Monture et cavalier se détachaient en ombre fortement accusée sur la transparence profonde du ciel. « C'est l'El El-Kad, la nuit de la destinée, » dirent Timoléon et mes domestiques arabes. Un instant après, le cavalier avait disparu comme une vision fantastique. Nous atteignîmes bientôt les premières maisons du village Ayn el-Malak, que nous traversâmes, salués par les aboiements furieux d'une horde de chiens, puis, tournant vers le sud-ouest, nous entrâmes dans Bekfaïa, après une montée assez dangereuse par l'obscurité relative. La Lépin nous attendait hors du village. Il était entouré de parents et d'amis, qui, suivant la coutume du pays, me firent la conduite jusqu'à sa maison, jolie habitation construite dans le goût libanais. Les femmes de la famille se tenaient massées en groupe sur la terrasse. Je m'installai sur le tapis sur lequel elles étaient assises, et je partageai de bon cœur leur souper, consistant en un agneau entouré de riz bouilli. Je passai la soirée à écouter les récits d'un conteur arabe, dont la voix musicale et cadencée semblait avoir un grand charme pour les assistants, qui suivaient attentivement sa déclamation en fumant les narguilés et se livrant aux douceurs du Kiev oriental. Au moment de me séparer de mes hôtes pour prendre, dans la chambre crépie à la chaux qui m'était préparée, un repos bien gagné, je distinguai à travers la brume un cavalier lancé en pleine carrière et sautant de roc en roc avec une adresse vertigineuse. Cette adresse faisait autant honneur à la sûreté des jambes du cheval qu'au courage et au sang-froid du maître. Le cavalier disparut dans la pénombre des hautes cimes dont la masse prenait, sous la clarté de la lune, des teintes laiteuses. « L'El El-Kad !» se dirent les Libanais avec inquiétude. « Quel est donc ce fantastique personnage ?» demandai-je. « Un prophète musulman, » me dit Timoléon. « Chaque vendredi, le dimanche des musulmans, il prêche auprès du tombeau d'Ali Saamoud, le santon vénéré par les druzes. Où se trouve ce tombeau ? Là-bas, très haut dans la montagne, au-dessus de la capitale des druzes, à Deir el-Hamar, » me répondirent les Libanais. « Il faut 8 heures de marche pour y arriver d'ici. » Comme il était dans mes intentions de faire une excursion en pays druze, je me promis d'assister au prêche de ce personnage. On ne rencontre pas tous les jours des prophètes, et il faut profiter d'une occasion rare dans la vie d'un voyageur. En attendant la réalisation de mon projet, je me retirai dans ma chambre et je m'étendis sur mon lit de camp, d'où je voyais par les fenêtres grillées, mais sans vitres, et dont les volets étaient ouverts, les nuages laiteux fermant l'horizon. Je ne tardai pas à m'endormir en rêvant que le cavalier ténébreux galopait sur ses steppes de vapeur. En m'éveillant à la première lueur de l'aurore, je vis Beyrouth qui avait reparu grâce à la subite évaporation des nuages, et je distinguai chacune de ses maisons. Le sable rouge et la verdure fraîche lui formaient une double enceinte au milieu de laquelle la radiosité s'épanouissait dans toute son immaculée blancheur. Je montai sur la terrasse d'où l'on apercevait le Kezrouan et le golfe de Tripoli. Le ciel était si clair, l'atmosphère d'une transparence si étonnante qu'on distinguait nettement les contours des montagnes de l'île de Chypre, dont les lignes se profilaient au-delà des eaux de la Méditerranée. Je ne sais combien de temps je restais absorbé dans la contemplation du magnifique spectacle que j'avais sous les yeux, quand j'en fus distraite par le son grêle d'une cloche. C'était celle du couvent de Mar Elias, situé plus haut vers le Saanin. Ce tintement argenté, traversant les airs, fit sur moi une profonde impression. C'est surtout en pays de montagne qu'on éprouve le besoin d'élever ses pensées vers le Créateur de cette splendide nature. Je demandai mon cheval et me dirigeai seul vers le couvent. Le sentier que je suivais traverse une forêt de pins, le sol est jonché de pierres moussues et humides sur lesquelles je voyais, se chauffant au soleil, de gros serpents noirs ou d'un gris argenté. Ils disparaissaient vivement dans les herbes dès qu'ils entendaient le bruit des fers de mon cheval sur les cailloux. Bientôt, je me trouvais en face d'une construction primitive et presque barbare. C'était l'église du couvent. Un mendiant couvert de haillons se tenait à la porte, attendant les rares fidèles, la plupart aussi pauvres que lui. Je lui confiai mon cheval et j'entrai dans ce modeste temple. Quelques images byzantines peintes sur fond d'or formaient toute l'ornementation des murs crépis à la chaux. Un chœur de moines maronites, dissimulé par une draperie fanée, chantait les prières du matin. Une voix me frappa par son timbre puissant et sonore. C'était un organe de baryton vibrant et énergique. Les notes graves avaient un accent pénétrant qui révélait d'ardentes aspirations. Cette voix saisissante dominait par son éclat l'ensemble du chœur, dont le murmure sans accent et résigné n'arrivait à moi que vague et confus. Le chant avait cessé que j'écoutais encore, quand la draperie s'écarta et livra passage à une vingtaine de maronites vêtus de longues robes noires, serrées à la taille par une ceinture. On ne pouvait distinguer leurs traits sous l'ombre des voiles tombant de leurs cablouks. Ils passèrent successivement en se signant devant l'autel et disparurent comme des spectres par une porte latérale. J'allais me retirer. Soudain, la draperie s'écarta de nouveau. Un maronite de haute taille apparut dans l'encadrement. Son voile de laine noire rejeté en arrière laissait à découvert une superbe tête allongée par une excessive maigreur. Sa chevelure noire retombait en ondes épaisses plus bas que les épaules. Il regardait fixement vers la porte d'entrée. À ce moment, une troupe de montagnards à cheval et à âne s'approchèrent de l'église, descendirent de leurs montures et entrèrent. Le maronite les bénit pendant qu'ils s'agenouillaient. Ensuite, il leur parla à chacun à voix basse, se tourna vers l'autel, leva la main encore une fois vers les montagnards. Ce geste semblait un appel autant qu'une bénédiction. Ensuite, il traversa l'église et sortit par la porte qui s'était ouverte devant la confrérie. Je demandai aux montagnards qui était ce maronite. « Un prophète, » me répondirent-ils. Et je songeai que nous étions dans cette contrée où vécurent les prophètes d'autrefois. Il y en avait donc encore dans ce pays où le rêve plane dans le bleu du ciel, sous un soleil magnifique, et la nuit aussi sous les étoiles contemplées autrefois par les Chaldéens. Je rentrai à Bekfaya, où je pris congé de mes hôtes pour continuer mon voyage par le Liban. Chaque soir, je faisais camper ma caravane, composée de 16 chevaux de selle montés par moi, mes deux femmes de chambre, 4 domestiques, dont un Nubien et un Égyptien, par le drogman Timoléon, un cuisinier et son aide. 30 mulets de charge avec une douzaine de moussères complétaient cette troupe de gens et de bêtes marchant tantôt en longue file par les sentiers de montagne et s'éparpillant de côté et d'autre dans les vallées. Quand ma tente était dressée, je m'installai devant celle qui me servait de chambre à coucher et j'admirais les évolutions fantastiques de grands nuages rosés au milieu desquels se détachaient les masses imposantes des montagnes voisines. J'arrivai quelques jours après mon départ de Bekfaya, près de Dar el-Kamar, la capitale des Druzes. J'ordonnai à Timoléon d'installer le campement sur un mont couvert de gazon parsemé de fleurs, et comme toujours au Liban, il semblait qu'il était tombé dans cette herbe aromatique une pluie de grosses pierres. Au loin, dans la vallée profonde, on entendait le murmure du torrent dont la source surgissait tout près de ma tente, qui était ombragée par un sycomore magnifique. Derrière nous, comme un décor superbe et féerique, on voyait de hautes et majestueuses montagnes aux formes pittoresques qui se fondaient dans la brume bleuâtre. On apercevait les profils vagues des murs écroulés d'une ancienne forteresse. Après le souper, pendant que les chevaux hennissaient de joie, au moment où ils voyaient les moussères apportant leur provende, nous entendîmes des coups de fusil. Je sortis de ma tente avec mes deux revolvers, l'un à la ceinture, l'autre à la main. Toute ma suite accourut et m'entoura, les fusils prêts pour tirer sur l'ennemi. Nous vîmes alors trois bédouins à cheval, dont l'un portait un drapeau vert avec un grand croissant brodé en or. Derrière eux s'avançait sur un cheval arabe piaffant et secouant son mort avec impatience, un personnage enveloppé de vêtements blancs comme de la neige, sur lesquels les lueurs des torches et des lanternes que portaient les saïs tombaient droit en faisant ressortir la brune figure et la barbe noire de l'aile el-Kad que nous reconnûmes tout de suite. Timoléon arrêta un des bédouins qui faisait la fantasia en tirant des coups de fusil et le questionna. « Le prophète part pour la guerre sainte !» cria ce fils du désert en reprenant sa course. « Pour où ?» cria Timoléon. « Loin, loin, là-bas, au pays des Noirs » répondit-il en s'éloignant de toute la vitesse des jambes de sa jument. Je revis cette vision un soir encore à Safed, au bord du lac Tibériade. Le prophète était debout sur un rocher, il parlait. Les assistants étaient tous, suivant la manière arabe, accroupis sur leurs jambes et buvaient ses paroles. De temps à autre, au moment où ils se taisaient, les Arabes répétaient « Allah, Allah, Inch'Allah, Allah, Mashallah ». Je voyageai en Syrie, en Palestine encore pendant 3 mois, mais je ne rencontrai plus de prophète chrétien ni musulman. Je devais pourtant revoir l'aile el-Kad dans des circonstances assez curieuses pendant le Ramadan, le jeûne des Mahométans au Caire. J'ai été invité à un bal au Jésiret, le palais alors nouvellement bâti par le fastueux khédive Ismail Pacha, qui ressuscita au bord du Nil les splendeurs de la cour du calife Haroun al-Rachid. En plus, il ajouta au luxe oriental celui des Européens. Le palais du Jésiret resplendissait ce soir-là de l'éclat des lustres apportés par les derniers paquebots d'Europe. Les jardins étaient aussi illuminés par 1000 feux. En les traversant pour arriver au perron, on entendait les rugissements des lions, des tigres, des panthères, des léopards enfermés dans leurs cages, et on pouvait se figurer être dans les profondeurs des forêts africaines, d'où le khédive avait fait venir ses fauves pour amuser les femmes de son harem pendant leur promenade. À gauche de l'allée menant au péristyle du palais, se mirait, dans une vaste pièce d'eau, un kiosque d'architecture mauresque. 2 lions, en marbre cela, gardaient l'entrée. Les colonnettes couvertes d'arabesques soutenaient un toit qui réunissait les 2 parties du kiosque. De cette voûte pendaient des lanternes arabes. Un escalier de marbre de Carrare donnait accès à des salons décorés dans le goût mauresque le plus pur et rappelant l'Alhambra. Des salles de bain en marbre rose et albâtre jaune veinées de blanc étaient éclairées par des coupoles garnies de verre rose, bleu et orange. Après un moment de rêverie orientale dans ce kiosque merveilleux, quelques pas plus loin, on pénétrait dans un grand palais situé sur les bords du Nil même et où étaient accumulées les splendeurs de l'industrie occidentale la plus raffinée. Le khédive recevait ses hôtes avec amabilité. Les salons étaient remplis de monde et les danses fort animées. Dans l'un des salons, à l'écart des salles de bal, se tenaient, assis sur le bord extrême des divans, des cheikhs arabes vêtus de leurs costumes orientaux, avec lesquels juraient d'énormes gants de filoselle trop longs qui leur faisaient tenir les doigts écartés. Ils étaient fort gênés, vu qu'au premier bal, où ils avaient fait leur apparition, ils crurent de leur devoir d'ôter leurs souliers, suivant les règles de la politesse orientale, et de s'installer les jambes croisées sur les divans. Cette conduite intempestive, dans une fête ayant la prétention d'être européenne, fut remarquée, et les pauvres gens qui étaient convoqués de force et obligés de paraître au bal de leur souverain, pour montrer à l'Europe stupéfaite le degré de civilisation auquel ils étaient soi-disant arrivés, furent prévenus de ne plus ôter leurs chaussures, de ne plus s'asseoir les jambes croisées et de mettre leurs gants. L'Arabe est bien dans le désert sur son cheval et au milieu de sa vie patriarcale. Il est déplacé dans un bal européen qui n'est pas un amusement admis dans ses mœurs et coutumes. Les cheikhs avaient l'air de subir un supplice, et tous regardaient fixement les portes de l'escalier avec un air anxieux et une envie visible de s'esquiver. Bientôt les invités furent prévenus qu'il y avait sur le Nil des dahabiyeh où chantait Almaz, la célèbre chanteuse de la ville et des harems. Le khédive et ses invités traversèrent les jardins et nous nous trouvâmes bientôt à bord d'une des élégantes embarcations amarrées au quai de Jésiret, qui se dressait sur la rive comme un palais de féerie. Sur le bord opposé, les huttes misérables des fellahs faisaient un contraste saisissant avec les splendeurs de la fête. Dans les jardins du palais, un immense feu de joie était allumé sur un piédestal énorme, destiné à un groupe de marbre. Ce feu, en se reflétant dans le Nil, le rendait semblable à un fleuve de lave incandescente. Beaucoup d'embarcations naviguaient autour de la Dahabiek et d'Ivial où nous nous trouvions. Elles étaient aussi illuminées et des musiques y jouaient. Soudain, nous vîmes venir du tournant du fleuve un de ces bateaux arabes datant des temps pharaoniques, avec deux immenses voiles en usage sur le Nil pour prendre le plus d'air possible. Sur le pont était debout un homme à l'allure noble dans ses draperies simples et blanches. Tout autour de lui étaient accroupis des fellahs. Parmi eux, des derviches criaient « Allah, Allah » en se balançant de droite à gauche. Poussé par le vent et le courant, le bateau filait vite. Les embarcations remplies de musique bruyante durent lui faire place. Le bateau passa bord à bord avec le Dahabiek et d'Ivial. L'homme lança un regard dédaigneux sur tout ce luxe, pendant que quelques cheikhs parmi les invités se le montraient et le saluaient en portant la main à leur front. Je reconnus l'El El-Kad. « J'ai vu cet homme en Syrie, » dis-je à un damasquin de mes amis. « Il en arrive, » répondit-il. « C'est un prophète qui est venu faire le ramazan au Caire. Chaque nuit, on peut le voir présider les prières des derviches tourneurs et hurleurs à la citadelle et chez le cheikh Oul Islam. Voulez-vous voir cela ?» J'acceptai l'invitation, et la nuit suivante, par un clair de lune digne de la déesse Isis, nous allâmes à la citadelle voir les choses curieuses qui s'y passaient. Il est défendu aux chrétiens et en général aux personnes inconnues de pénétrer dans la citadelle après le coucher du soleil, mais nous obtînmes une entrée de faveur. Avant d'entrer dans la mosquée, nous allâmes contempler la vue du Caire de la place où le célèbre Mamluk échappa au massacre de ses camarades par ce saut étourdissant qui est resté légendaire. On prétend que le cheval ne se cassa aucun membre et resta aussi sain et sauf que son maître. Le Caire s'étend à perte de vue, avec ses minarets illuminés en temps de ramazan. Au loin, le désert qui encercle la ville est dominé par les pyramides de Gizeh et de Saqqara. Elles apparaissent comme de sombres, gigantesques et énigmatiques cônes. Une brume blanche s'étend sur le courant du Nil. C'est un tableau d'une mélancolie majestueuse. On sent que ce pays, aux origines mystérieuses, n'a pas dit son dernier mot dans l'histoire de l'humanité. L'antique Égypte dort d'un sommeil séculaire, mais elle se réveillera. Quand ? Peut-être dans quelques milliers d'années, ou demain. J'entrai dans la mosquée où se trouve à droite le tombeau de Mehemet Ali, entouré d'une grille superbe en argent massif. Dans le fond de la mosquée, près de la place du Mola, était assis, sur un tapis précieux, un personnage qui gardait une immobilité de statue, les yeux demi-clos, la figure extatique. Il était absorbé par une prière ardente, presque hypnotique, tenant au magnétisme à force de volonté intérieure. « Le voilà !» me dit le Syrien qui m'accompagnait. Je l'avais déjà reconnu, ce mystérieux El El-Kad. Autour de lui, les derviches faisaient rage. L'écume à la bouche, il criait « Allah, Allah, Allah !» Il hurlait cette invocation. Quelques-uns, hystériques, se tordaient, tombaient, se relevaient, recommençaient en se balançant brusquement. D'autres tournaient extasiés, les bras en l'air, les yeux au ciel. Plusieurs se fustigeaient. Les cris devenaient assourdissants. Et pendant ce temps, El El-Kad restait toujours si immobile qu'on l'aurait cru pétrifié. Je portais, sur mon habitude dans mes excursions nocturnes par le Caire, le costume arabe de fellahine, ce qui me permettait, grâce à mon voile épais, de voir bien des choses inconnues des Européennes. Je résolus de rester jusqu'à la fin de la cérémonie, malgré le sentiment d'épouvante que j'éprouvais. Quand les derviches roulèrent sur le sol presque tous, El El-Kad se leva et marcha droit vers la porte sans regarder personne. Pourtant, les dévots saisissaient le pan de son burnous et le portaient à leur front prosterné sur les pas du prophète. À la porte, où un cheval blanc l'attendait, il se mit en selle. Les dévots se couchèrent sur le sol, il passa sur leur corps sans s'émouvoir et rentra en ville suivi par la foule. J'appris quelque temps après que ce personnage mystérieux était parti pour le Soudan. Le hasard de mes voyages me porta à Paris. J'y rencontrai, il n'y a pas bien longtemps, un Afghan célèbre connu pour servir d'intermédiaire à tous les musulmans du Maroc, en passant par la Tripolitaine, l'Égypte et jusqu'en Perse, aux Indes et ailleurs. Il est fort ami des Russes. Je lui racontai mes rencontres avec le prophète et je lui demandai qui était enfin ce Lel el-Kad, nuit de la destinée. Cet être incompréhensible et étrange dans ce monde mystérieux de l'islam. « Mais c'est Saïd Abdullah Etachi, le Mahdi, me dit-il, notre Seigneur le Mahdi. » Ainsi s'achève « La nuit de la destinée », épisode de voyage en Syrie, par Lydie Pachkov.